C'est le printemps, le retour du soleil, les journées qui rallongent, les températures qui se font plus clémentes, et puis le nez qui pique, les yeux qui pleurent et les éternuements en rafale. Une personne sur quatre souffre d'une maladie allergique, et si on en croit à l'OMS, ce sera une sur deux en 2050. Parce que oui, les maladies allergiques sont en progression constante, et notamment les allergies respiratoires, comme l'asthme ou la rhinite allergique, dopées par la mauvaise qualité de l'air que nous respirons et notre exposition prolongée aux polluants. Que sont ces maladies? Pourquoi sont-elles en progression et comment les soigner? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Allergie respiratoire, sortez les mouchoirs, c'est le programme éternueur, qui est le notre-poilard qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout nous expliquer sur les mécaniques allergiques, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabella Anessi-Maessano, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut d'Ebré d'épidémiologie et de santé publique à Montpellier, et nous sommes en ligne avec Niam Famti, bonjour. Bonjour. Vous êtes allergologue, ancien chef du service d'allergologie à l'Institut Pasteur. Mais on commence par le tour de l'actualité scientifique du week-end, garantie sans goutonner. C'est le journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue ce matin dans la revue The Planetary Science Journal. Il existe sur Neptune d'étonnantes variations climatiques. Alors c'est une étude importante hein, parce que Neptune fait partie des dernières planètes géantes qui n'ont pas été explorées de manière méthodique par des missions spatiales, si ce n'est par les sondes Voyager, en 1986 et 1989. Donc on a peu d'informations sur la dernière géante glacée de notre système solaire. Grâce au VLT au Chili et à différents télescopes terrestres, une équipe britannique a fait de l'imagerie infrarouge de l'atmosphère de Neptune pour suivre l'évolution de cette atmosphère sur une très longue période, pendant 17 ans. Une année sur Neptune, c'est environ 165 ans, donc les saisons y sont très lentes, elles durent environ 40 ans. Et depuis 2005, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Alors grâce à ces observations, les chercheurs ont pu retracer la carte des températures de l'atmosphère neptunienne, un peu comme une météo, et cette carte a permis aux auteurs de montrer que ces températures évoluent à la fois avec le temps et aussi géographiquement. Olivier Mouzis est directeur de l'Institut Origine à l'Université Aix-Marseille. On sait que Neptune est située à une grande distance du Soleil, et la température d'équilibre, la température qu'on devrait avoir à cette distance, eh bien, elle n'est pas réfléchie à travers les mesures, puisque les mesures montrent que la température globale est plus importante. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une source de chaleur dans Neptune, qui permet à Neptune de renvoyer deux fois plus d'énergie que ce qu'elle en reçoit du Soleil. Donc c'est pour ça que cette carte de température, celle qui a été retracée par les collègues, est très importante, puisqu'en fait, il montre deux choses. Il montre que cette température varie dynamiquement. On voit que la surface, entre guillemets, l'atmosphère de Neptune, il y a des fluctuations de température. Chose qui est très très peu observée sur Uranus, sa consœur, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une source de chaleur. Cette source de chaleur dans Neptune, elle peut avoir joué un rôle dans ces variations, entre guillemets, de température, ces variations climatiques. Deuxièmement, on montre aussi à travers ces études que l'atmosphère de Neptune est sujette à énormément de circulations dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de circulation de masse d'air qui sont beaucoup plus importantes que sur Uranus, qui est beaucoup plus stable d'un point de vue météorologique. Donc Neptune, c'est une planète qui est très dynamique du point de vue atmosphérique. On observe avec le temps qu'il y a eu un chauffage au niveau du pôle sud, donc les images le montrent, hein, on voit une zone qui est plus chaude, et la question que se posent les auteurs, c'est comment ce chauffage a pu être matérialisé, à quoi est due cette augmentation de chaleur sur le pôle sud? Alors il y a plusieurs hypothèses, aucune d'entre elles n'est vérifiable comme ceci. Une autre hypothèse, c'est que ce pôle sud qui est chaud, ce n'est ni plus ni moins la matérialisation de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une zone qui est sujette à énormément de transports, énormément de dynamique, énormément de circulation de vent. Donc c'est cette circulation qui fait qu'il y a des zones qui sont chaudes et qui refroidissent après des effets saisonniers que l'on observe peut-être là. C'est ni plus ni moins peut-être la manifestation d'un effet saisonnier et qui est lié donc à l'activité des vents, de la circulation atmosphérique dans Neptune. Voilà, si vous voulez voir de belles photos de Neptune prises par le VLT, eh bien, il suffit de vous connecter à notre compte Twitter, @lamethodefc, où vous pouvez également retrouver l'intégralité de l'étude citée. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans The Lancet, les symptômes bénins d'Omicron sont différents du variant Delta. Mais on savait qu'Omicron provoque une maladie moins sévère que Delta, avec moins de risques d'hospitalisation. Cette équipe britannique a analysé les données de plus de 63 000 personnes qui ont enregistré, entre juin 2021 et janvier 2022, tous leurs symptômes sur une application Covid. Des participants âgés de 16 à 99 ans et qui ont reçu 2 doses de vaccin. Il apparaît que les symptômes du variant Omicron durent moins longtemps que ceux du variant Delta. Ils durent en moyenne 4,4 jours contre 7,7 jours pour Delta. Avec Omicron, les pertes d'odorat sont également plus rares, moins d'un patient sur 5 contre plus de la moitié pour Delta. Avec cependant plus de maux de gorge, plus de fièvre, de maux de tête et d'impressions de brouillard cérébral. Une étude publiée dans la revue Science at 26 élucide un mystère. Pourquoi la face obscure de la Lune est-elle si différente de sa face visible? Côté pile, la Lune offre un visage lisse et plat. Mais côté face, la mission Apollo 8, en 1968, a révélé une surface chaotique et accidentée. Des chercheurs américains ont fait des simulations numériques pour mieux comprendre son histoire géologique. Selon eux, la clé du mystère réside dans le bassin pôle sud Etken, cet immense cratère d'impact lunaire. Il y a 4,3 milliards d'années, l'énorme impact a provoqué la fonte du manteau lunaire avec des coulées de lave et une activité volcanique qui a duré pendant 700 millions d'années. De l'autre côté, la face cachée est restée trop froide pour distribuer le matériau de la même façon, ce qui expliquerait cette asymétrie. Et enfin, selon une prépublication parue sur le site Archive, certaines étoiles de notre Voie lactée viennent d'ailleurs. Grâce à l'observatoire Apache Point au Nouveau-Mexique, une équipe internationale a examiné la composition chimique d'un type d'étoile. Les étoiles à haute vitesse qui se déplacent à des centaines de kilomètres par seconde. Alors étudier la composition chimique d'une étoile, cela permet d'étudier son origine. Sur un échantillon de 15 étoiles, ils ont observé, pour la moitié d'entre elles, des compositions chimiques différentes de celles que l'on trouve dans notre galaxie. 50% d'entre elles seraient des étoiles extra-galactiques qui ne se sont pas formées in situ et qui proviendraient de galaxies naines voisines que notre Voie lactée a englouties au cours de son histoire. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Le nez qui chatouille, la gorge qui gratouille, les yeux qui picouillent. Si pour vous, chaque printemps se transforme invariablement en crise d'éternuement et en mouchages intempestifs, pas de doute, vous faites partie des 1 Français sur 4 qui souffrent d'allergies saisonnières, un mal qui est en progression constante depuis plusieurs années. Le nombre de rhinites allergiques a été multiplié par 4 au cours des 30 dernières années. Les nouveaux cas sont diagnostiqué principalement chez les jeunes, avec une fréquence légèrement plus importante chez les hommes. Alors quelles sont les causes de ce fameux rhume des foins qui peut véritablement handicaper ceux qui en souffrent? Réponse avec notre archive du jour, nous sommes en 1955. Toutes les plantes ne peuvent donner naissance à des manifestations allergiques dues au pollen. Seules celles qui pollinisent par l'intermédiaire du vent peuvent déclencher ces troubles, puisque ce sont les seules qui soient répandues dans l'atmosphère. En France, ce sont les graminées qui sont les principales responsables. Tous les genres de cette famille peuvent provoquer des pollinoses, et principalement le dactyle aggloméré, le paterin des prés et la fluole. Les arbres peuvent être également mis en cause, tels le platane, le bouleau et le noisetier. Dans ce cas, l'apparition est souvent plus précoce dès les mois de mars ou avril. Des herbes enfin peuvent être incriminées, surtout dans les cas de pollinose tardive à la fin de l'été. Le plantain, l'artémise, l'oseille sauvage en sont les plus fréquents. Par la méthode des cutiréactions, l'origine pollinique des troubles est facilement mise en évidence, ainsi que le diagnostic botanique exact. Le traitement des pollinoses repose maintenant sur des bases solides. Certes, les traitements locaux sont utiles, lavage oculaire, pulvérisation nasale décongestionnante. Certes également, les antihistaminiques amènent un soulagement appréciable, ainsi que les anti-inflammatoires. Mais en fait, la pollinose, affection allergique typique, demande une thérapeutique anti-allergique. On la possède sous la forme de désensibilisation spécifique. Celle-ci se fait par injection d'une solution de pollen à dose croissante et amène le sujet au début du printemps à supporter des concentrations importantes. Aussi, ce traitement doit-il être commencé dès le début de janvier pour arriver au résultat voulu en temps utile. On ne doit pas oublier que les pollens sont des antigènes puissants. Aussi, le traitement doit-il être conduit avec prudence par des mains expérimentées pour éviter toute manifestation allergique d'ordre général. Voilà, extrait de l'heure de la culture française en novembre 1955. Niam Famti, on parle de pollinose encore aujourd'hui ? Exactement. En fait, par rapport au reportage que vous avez diffusé, à part l'accent à la Jouvet, il n'y a pas grand-chose à modifier. Hein, parce que effectivement, c'est exactement le mécanisme, les mêmes allergènes, à ceci près qu'on considérait à l'époque le platane était allergisant, mais on a probablement un peu réduit son rôle. Mais sinon, c'est exactement la même chose. C'est assez étonnant. On a les mêmes techniques, on les sensibilise presque de la même manière. Maintenant, sur le sol français, on ne dispose plus tellement des pollens injectables. On le fait par voie sublinguale, mais on est exactement sur la même problématique. On parlera tout à l'heure de la façon dont fonctionne la désensibilisation. Une réaction également peut-être à cette archive, Isabella Anesi-Maisano. Bah, elle était, oui, très intéressante, pour 1955, très à point. Oui, on sait maintenant que les platanes sont très irritants, mais pas parce qu'ils sont vraiment allergisants, comme Nian l'a dit. Donc, j'ai envie de rajouter qu'il y a aussi d'autres formes de rhinite allergique. Hein. Il n'y a pas que les pollens. Et si on pense un petit peu à ceux qui ont suspension dans l'air, il y a aussi les moisissures. Pas seulement à l'intérieur des locaux. Ça, les gens le savent moins. Mais à l'extérieur des locaux, dès qu'on fait un tas d'herbes et que l'herbe commence à macérer ou qu'il y a, par exemple, du vent très fort, on retrouve dans l'air des moisissures. Elles sont mesurées. Hein. En France, le réseau national de surveillance aérobiologique, en plus des pollens, surveille aussi certaines moisissures qui sont à l'origine de formes très graves de rhinite et d'asthme. Donc, à ne pas sous-estimer. C'est ça, c'est parce que effectivement, quand on pense rhume des foins, il y a un peu dans l'idée générale populaire qu'un rhume des foins, bon, ça, voilà, on éternue un peu, c'est pas très grave. Non, ces allergies respiratoires, elles peuvent être très graves et elles causent des décès chaque année. Oui, alors l'asthme fait mourir 125 000 personnes par an alors qu'il s'agit d'un décès évitable. On sait comment prendre en charge la crise d'asthme. Hein, et qui amène le plus souvent le patient à l'hôpital. Alors, on peut bien imaginer que ces décès se passent, et c'est un des grands problèmes de l'allergie, là où il y a des difficultés sociales, des classes sociales défavorisées, et notamment, il y en a beaucoup aux États-Unis parmi les Noirs, et on sait bien que pour eux, l'accès aux soins est compliqué. Hein, parce qu'il faut payer, il faut avoir une mutuelle, donc ils arrivent à l'hôpital à la dernière minute et ils meurent. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut penser. Et donc comme allergie, en fait, il y a l'asthme, c'est peut-être la forme la plus grave, avec, je pense on en parlera après, ces nouvelles formes d'anaphylaxie, d'allergie alimentaire. Toutes ces formes d'allergie sont en augmentation. C'est ça. On est de plus en plus allergiques. Et puis sur la bénignité de ce qu'on appelle le rhume des foins, donc des rhinites allergiques, Niam Famti, on a une auditrice qui nous dit, en ce moment même, là, qui vient de nous dire sur Twitter, en mouchage, en grattage et en asthme allergique de l'enfer. Donc ça peut vraiment être un handicap très lourd dans la vie quotidienne. Bah oui. Mais imaginez simplement si vous avez un rhume banal, hivernal, mais en permanence et avec une intensité très augmentée. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une maladie qui ne se voit pas forcément beaucoup, à part ces histoires de salve d'éternuement et de rhinite, etc. Mais à l'intérieur, il y a un bouillonnement immunitaire qui fait que vous êtes potentiellement très impacté. Il y a effectivement l'unicité des voies respiratoires qui fait que ça peut se prolonger dans les bronches et avoir une conséquence terrible à cause de l'asthme. Mais il y a aussi une consommation énergétique, métabolique et inflammatoire globale qui met le patient dans un état de fatigue intense. Il a envie de s'arracher la tête parce que ça démange dans tous les sens. Et puis, il y a une fragilisation des muqueuses, c'est-à-dire des voies de contact, qui fait que vous êtes irrité. On parlera de cette aggravation de la pollution, bien sûr, mais avoir les yeux qui démangent et vous avez vraiment envie de vous mettre les doigts dans les yeux, tellement c'est horrible, cette sensation. J'insiste beaucoup, parce qu'avec les années, je compatis de plus en plus avec mes patients. C'est quelque chose de qui pèse très lourd, en fait, en termes de poids, de symptômes, et aussi en termes de poids de conséquences, parce que vous ne travaillez plus. Il y a des patients qui me disent, c'est terminé, je ne travaille plus parce que je suis incapable. Alors, au début de la carrière, vous dites, bon, quand même, il exagère un peu, mais en fait, vous comprenez très vite que les conséquences peuvent être terribles pour ces patients. Isabella Anesimesano. Oui, je voulais dire justement qu'il y a un coût sociétal qui est important parce que nous avons publié déjà il y a longtemps que la qualité du sommeil est impactée. Les résultats aux examens, là, il y a les pollens quand il y a les examens des adolescents, hein, quand il y a le bac, souvent il y a. Donc, et en termes de coût, juste pour vous donner une donnée récente, seulement pour un pollen qui est celui de l'ambroisie, chaque année, en France, il y a 40 millions d'euros qui sont dépensés pour un pollen. Vous voyez ? Et ça, c'est l'Agence régionale de santé des régions, là où il y a ce pollen qui est assez limité, malheureusement, un petit peu en expansion. Je pense qu'on va en parler après, en raison des changements climatiques. C'est à voir. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des allergies respiratoires tout au long de cette heure en compagnie de Nyan Famti et d'Isabella Anesimesano. Nyan Famti, quand on regarde l'épidémiologie, là aussi des allergies respiratoires et leur prévalence dans la population, les chiffres sont assez sidérants parce que l'augmentation de l'incidence et de la prévalence dans la population générale est immense. J'ai trouvé des chiffres, alors vous allez les confirmer, vous infirmer, mais de dire qu'après-guerre, moins de 4% de la population était concernée par les allergies respiratoires et l'OMS annonce qu'en 2050, ce sera une personne sur deux, 50%. C'est des chiffres exacts ? Alors, c'est d'autant plus effroyable qu'on le vit sur le terrain. C'est-à-dire que je vois bien la différence entre le début de mon activité et actuellement. Alors, c'est bien sûr, c'est exacerbé par le fait qu'on manque cruellement de personnel, de médecins, de formatons pour prendre en charge les patients. On considère qu'il sera impossible de voir tous les patients allergiques. C'est-à-dire que même si vous faites venir plein d'allergologues, on les verra pas tous. Donc, c'est effroyable. On assiste à une augmentation de charges. Et oui, on observe une augmentation des cas. Et alors, de la sévérité des cas, c'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, les cas d'allergie, et donc là on sort un tout petit peu du sujet avec l'anaphylaxie, les allergies sévères, donc ça augmente. Et puis l'âge, c'est fou l'âge, on voit des patients de plus en plus jeunes, les rhinites allergiques, il y a 10-15 ans, ça concernait les enfants à partir de 6, 7, 8 ans, voire plus. Maintenant, ce sont des enfants que l'on voit dès l'âge de 2-3 ans qui nous arrivent avec déjà des allergies, par exemple au pollen. Et donc, on a un élargissement de cette palette que l'on observait avant. Donc, c'est effroyable, oui. Et alors, on va évidemment décrire les mécaniques allergiques, etc. Mais sur cette augmentation de la prévalence, on a des idées de leurs raisons ? Moi, personnellement, j'en ai deux. Et je pense que Nan doit partager. Je pense d'un côté qu'on a un environnement qui est devenu plus agressif. Et on va parler de pollution, le changement climatique et aussi certains nouveaux polluants auxquels on pense jamais. Le plastique, vous avez vu ces jours-ci, on a trouvé du plastique dans les poumons, on l'a trouvé dans le sang. Il y a aussi moins connu les phtalates, ce qui sert à rendre la bouteille d'eau plus agréable au toucher. Et il y a les PFAS. Disons, il y a plein de nouveaux polluants pour lesquels on a trouvé qu'ils sont responsables, on va le voir avec les mécanismes, de l'augmentation des IgE quand même. Donc, IgE, ce sont les immunoglobulines, c'est les anticorps donc. Les anticorps qui caractérisent la et ça, la réaction c'est, allergique. Voilà. De l'autre côté, je pense qu'il y a en fait une fragilisation de l'hôte, c'est-à-dire de l'être humain qui va devenir allergique. Et ça, l'hypothèse la plus importante pour moi, c'est celle qui dit qu'en fait, l'homme a contribué à diminuer la diversité, biodiversité, et cette biodiversité, ben, est en lien vraiment très étroit avec l'organisme humain. Il y a vraiment une balance. Donc, si on enlève quelque chose à l'extérieur de l'individu, ceci a une répercussion au niveau de l'individu. Il faut voir comme une balance qu'il y a. Et vous savez, la biodiversité de l'individu, c'est un terme très à la mode, c'est le microbiome. Oui, alors, il y a plusieurs microbiomes. Oui, c'est-à-dire que notre microbiome à l'intérieur, vous êtes en train de dire, est en train de s'appauvrir. Appauvrir. Voilà, il s'appauvrit et donc ça crée ces réactions allergiques immunitaires donc, qu'on va détailler dans un instant. Nian Famti, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur les raisons de cette augmentation exponentielle, littéralement, des cas d'allergies respiratoires ? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que notre système immunitaire est totalement déboussolé actuellement à cause de tous ces facteurs. Le système immunitaire, qui est déjà extrêmement complexe à comprendre, on passe toute une carrière en général à explorer qu'une petite partie de celle-ci, il nous dit quoi ? Il nous dit que probablement, on a été programmé depuis des millénaires à répondre d'une certaine façon à notre environnement, à nous défendre contre certaines bactéries, virus, champignons, etc. Et surtout, à vivre en harmonie avec ceci. C'est-à-dire que notre environnement va programmer notre microbiome et dire ce qui est bon, ce que l'on doit garder, on doit programmer de la tolérance. Et donc il y a ce dérèglement immunitaire qui tout d'un coup, il y a comme si, je prends souvent l'image d'une espèce de bug informatique qui s'installe dans notre système immunitaire et puis ça colle plus. C'est-à-dire qu'on va considérer certaines protéines de l'environnement, protéines de pollen, d'acariens, de ce que vous voulez, d'allergènes potentiels, comme un ennemi. Tout d'un coup, il va pointer contre cette protéine, le système immunitaire, un système de défense de plus en plus perfectionné, c'est pour ça que les allergies s'aggravent aussi, et bien comme s'il se défendait contre le Covid par exemple. Et à ce moment-là, il y a un dérèglement. Alors ce dérèglement peut être accéléré, causé par différents éléments de l'environnement, et on pense effectivement beaucoup aux pollutions avec un S, pollution atmosphérique avec les particules dont on va reparler, pollution alimentaire, avec ce que l'on ingère, parce qu'on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que ce sont des molécules de plastique, d'autres polluants chimiques qui vont venir modifier notre système endocrinien, c'est-à-dire les hormones, et les hormones c'est aussi le système immunitaire, donc je parle même de saccageur immunitaire. C'est donc un des cofacteurs extrêmement importants parmi d'autres qui dérègle notre rapport à l'environnement, qui a changé depuis peu en fait, depuis finalement les années 50-60, où on a perdu ce contact avec la nature, ce à quoi probablement on a été programmé depuis des millénaires. Il y a une hypothèse aussi pour expliquer, outre la pollution, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'hygiéniste. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Isabelle Anessimo? Oui, c'est une partie de l'hypothèse de la biodiversité. C'est-à-dire, s'il y a aussi quelque chose qui est venu à manquer, ce sont les infections. Mais en fait, il faut penser plutôt en termes de microbes. Et il y a des microbes qui sont méchants, et puis il y a des microbes qui, par contre, sont utiles. Et cette hypothèse est essentielle. Disons, le fait qu'il y a moins de microbes à la naissance des individus est primordial pour la différenciation du système immunitaire. En fait, pour schématiser, mais je schématise vraiment beaucoup, il y a deux voies à suivre. Au début, le système est naïf. Il faut que les cellules, c'est les cellules, les lymphocytes essentiellement, se différencient. Ils peuvent prendre la voie de la réponse aux infections ou la voie de la réponse plutôt qui est à l'origine de la réponse allergique. Pour caractériser les deux voies, on dit la voie Th1 ou Th2. Ou Th2. Et Th1, c'est l'interféron. Et Th2, c'est en fait les immunoglobulines E, G. Ces fameux anticorps dont on va parler. Ce sont des anticorps. Donc, humoral ou cellulaire. Et donc ça, c'est, mais vraiment, elle fait partie de cette hypothèse de la biodiversité, parce qu'il faut penser qu'il n'y a pas un seul virus, une seule bactérie, mais c'est un ensemble. D'ailleurs, les études, les grandes études qui ont, nous ont amené à comprendre cette hypothèse avaient vraiment dosé de tout dans l'air, dans le matelas et dans la poussière. Et ils ont eu beaucoup de... comme quoi finalement, excusez-moi, pardon. Alors, peut-être qu'on peut rentrer précisément un peu dans le détail, Diane Fahamti. Qu'est-ce qui se passe quand se déclenche une allergie respiratoire entre il y a deux composantes à l'allergie respiratoire. D'une part, un terrain génétique et d'autre part, eh bien l'exposition à une matière allergène. Alors, je vais vous raconter cette jolie histoire assez rapidement. D'abord, pour faire de l'allergie, il faut ce qu'on appelle l'atopie. Donc, c'est un terme très générique pour dire qu'il y a des gènes qui programment, parce qu'il y a une incidence familiale. Hein. Souvent, chez des patients, on retrouve les enfants, les frères et sœurs, les parents qui ont aussi des gènes de sensibilité et qui ont des sensibilités qui passent au niveau des surfaces. Donc, je parle de gènes qui codent pour des surfaces, c'est-à-dire les surfaces de la peau, surfaces respiratoires, surfaces digestives, parce que souvent, on peut avoir de l'eczéma associé, on peut avoir de l'asthme, on peut avoir des intolérances alimentaires, etc. Donc, on a, premièrement, une famille de gènes qui codent pour les surfaces. C'est-à-dire que, en gros, vous avez une sorte de porosité, c'est-à-dire que la première couche de cellules, eh ben, souvent, elle n'est pas bien accrochée et les choses passent plus facilement, pour simplifier les choses. Donc, porosité. Deuxième famille de gènes, et pas des moindres, ça code pour l'immunité. C'est-à-dire que, à différents niveaux, à différents endroits des connexions cellulaires, de communication, eh bien, on peut avoir des gènes qui vont faire plus de sensibilité, plus d'hyperréactivité, comme si le système immunitaire était plus chatouilleux et plus susceptible. Donc ça, c'est important, parce que il va rencontrer cet environnement. Par exemple, les pollens, c'est un peu l'époque, et l'émission tombe à point. Vous avez plein de pollens dans l'air. Et donc, l'abondance de ces grains de pollen microscopiques dans l'air, microscopiques, vient sur les surfaces dont je vous parlais. Et puis, le système immunitaire va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette protéine, cette agression finalement? Et je vais reconnaître la protéine, non pas comme quelque chose d'ami, de toléré, mais potentiellement une attaque. Et puis, les fois suivantes, eh bien, le système immunitaire va se dire, mais écoutez, on s'est méfié de cette protéine et je vais mettre en place, programmer une réaction de défense. Et donc, c'est là où interviennent, les anticorps dont on a parlé tout à l'heure, les IgE, qui veut dire immunoglobuline de classe E, eh bien, qui sont des petites clés, des messagers microscopiques qui circulent dans notre sang, qui sont sécrétés par certaines familles cellulaires et qui vont servir de messagers vraiment très personnalisés parce que c'est spécifique à un allergène et va déclencher cette réaction en chaîne. C'est une réaction en chaîne, en fait. Hein. Le corps explose et en fait, on va communiquer avec plein de populations cellulaires différentes, lymphocytes, des cellules éosinophiles, enfin bon, vraiment, il y a beaucoup de familles qui vont travailler de concert, comme des armées, en fait. On va avoir l'armée de l'air qui va bombarder d'anticorps, on a l'armée de terre, les soldats qui vont aller chercher le... Et bon, donc on va agiter tout cela, donc ça va donner les symptômes que vous connaissez, le fait que ça coule, que ça gonfle, on a le nez gonflé qui coule, on éternue, enfin on s'énerve de partout. Et donc, ces IgE donc, sont extrêmement puissants en termes de communication et circulent à faible concentration par rapport à des IgG, donc ces immunoglobulines de classe G, qui, elles, servent plutôt dans la tolérance et qui, grâce à elles, normalement, on arrive à manger tout ce qu'on mange sans gonfler comme des ballons, sans nous défendre, en fait, et à reconnaître. Parce que le but du système immunitaire, c'est aussi d'être dans la tolérance de cet environnement, ce qui est vraiment pas une mince affaire que de manger tout ce qu'on mange, de laisser passer tout dans notre tube digestif ces milliards de bactéries qui composent nos microbiotes et nos aliments. C'est quelque chose de très complexe. Et donc, cet équilibre peut être totalement bouleversé par ces réactions de sensibilisation et d'allergie. Voilà. Donc, c'est un équilibre extrêmement complexe. Et vous imaginez bien que n'importe quel cofacteur qui vient saccager, comme on disait tout à l'heure, ce mécanisme-là, explique l'augmentation, l'explosion, en fait, de ces phénomènes dans le monde. Isabella Anessi-Maesano, qu'est-ce qui distingue, ou en tout cas, qu'est-ce qui caractérise plutôt des allergènes? Pourquoi est-ce que des choses aussi diverses que des pollens, des moisissures, des poussières, certains microplastiques déclenchent cette réaction immunitaire? Est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Disons, les allergènes, comme Niam l'a dit, vraiment, ils ont une affinité très spécifique. Et d'ailleurs, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'allergologie moléculaire, qui est un terme qui n'est pas très connu, qui permet d'aller voir pourquoi une source, en quoi une source allergénique est responsable de la maladie chez le patient. En fait, le patient, il sait qu'il est allergique aux acariens, à la poussière, aux graminées en général. Mais après, grâce à un interrogatoire fait par les médecins, d'abord, ça c'est très important, mais aussi à des tests qui sont faits. Et maintenant, il y a des tests très sophistiqués qui permettent d'aller étudier plein d'allergènes très spécifiques pour un même allergène. Ce sont les protéines qui comprennent cet allergène. Et à ce moment-là, ceci nous a permis d'ailleurs d'aller voir comment ça se fait qu'il y a des interactions, ce qu'on appelle de la cross-réactivité, entre comment ça se fait qu'un sujet qui est allergique au boulot ne peut pas manger une pomme, parce qu'il y a en fait des affinités au niveau de ces protéines moléculaires. Alors, comme l'a dit Niam, sur ça, ensuite, parce que le monde est complexe, il y a l'impact de l'environnement extérieur qui empire la situation. D'une façon très simple, par exemple, on va parler de pollution. Les polluants sont des irritants très importants. Donc, déjà le fait pour un polluant d'aller toucher une muqueuse fait que l'allergène, le pollen, l'acarien, l'allergène qui est en suspension, rentre plus facilement dans les voies aériennes. Et ça, pas seulement au niveau du nez, mais aussi, bien sûr, trachée, larynx, et puis plus bas, au niveau, par exemple, des bronches. Donc, c'est pour ça qu'il faut une approche qui considère un peu la complexité du phénomène. Niam Famti, sur cette question de la spécificité des allergènes, pourquoi, par exemple, certains pollens, on parle des graminées, sont beaucoup plus allergéniques que d'autres? Qu'est-ce qui caractérise, justement, ces différents allergènes et leur faculté à provoquer des réactions allergiques? Alors, il y a une première chose, il y a leur concentration, déjà, leur disponibilité, c'est-à-dire que les grains de pollen de graminées, c'est vraiment un phénomène mondial. On en a beaucoup parce que ce sont les herbes, finalement, qui recouvrent notre planète, les mauvaises herbes ou pas. Et donc, il y a une question de disponibilité. Donc ça, le réchauffement aide bien à cette problématique. Après, effectivement, il y a une histoire de protéines. Dans leurs grains de pollen, et alors là, c'est un peu l'histoire, bon, vous y verrez une signification ou pas, mais souvent, ces protéines qui viennent faire réagir notre système immunitaire, ce sont des protéines de défense. C'est-à-dire que les grains de pollen doivent se défendre elles-mêmes contre l'infection de bactéries, de champignons. Et ces protéines-là se retrouvent dans l'évolution au sein de différentes catégories de plantes. C'est pour ça qu'on parle, Isabella l'a mentionné tout à l'heure, d'allergie croisée. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces séquences de protéines dans des végétaux différents. Par exemple, tout à l'heure, on l'a dit, si vous êtes allergique au pollen de bouleau, l'arbre du bouleau, ce grain de pollen de bouleau va partager dans sa séquence de protéines un morceau que l'on va retrouver, par exemple, dans des fruits qu'on appelle les rosacées, comme la pomme, Et donc les gens vont faire des allergies dites croisées, un syndrome oral, c'est-à-dire que quand ils vont croquer dans une pomme ou une poire, une pêche, abricot, cerise, dans tous ces fruits-là, et ben ça peut démanger, gratter, enfin faire une petite réaction allergique locale, et parfois même bien, bien incommodante. Donc ça, ce sont les allergies croisées. Alors pourquoi ces morceaux de protéines nous font réagir? C'est un peu le fin de l'histoire. Peut-être certains y voient la revanche de la nature, je ne sais pas, mais en tout cas ce sont des séquences de protéines qui sont très primitives et qui réagissent avec notre système inné, probablement que l'on a hérité de très loin, peut-être du Néandertal. Donc il y a des séquences de gènes comme ça qui ont été sélectionnées. Mmh. Et pour lequel on réagit. Donc ça, c'est très difficile de donner un sens et pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des séquences de protéines auxquelles on réagit. Alors prenez par exemple la cacahuète. La cacahuète, chez les personnes très allergiques à la cacahuète, certaines peuvent en mourir malheureusement, certaines séquences sont produites parce que vous allez cuisiner de certaines manières la cacahuète. Si vous la rôtissez, vous allez produire cette forme de protéine très particulière que va reconnaître notre système immunitaire. Et pourquoi ? Non, c'est pas très bien. Est-ce que c'est parce que dans l'immunité innée, on est fait pour reconnaître certaines séquences de végétaux ou dans des bactéries pour soit se défendre ou bien être dans la tolérance. Et il y a quelque chose qui s'est mal fait, cette mauvaise entente entre cet environnement végétal et puis le système immunitaire humain. On va continuer à parler des allergies respiratoires. On va reparler évidemment de la pollution notamment. Et puis on va surtout essayer de comprendre comment faire pour essayer de les combattre au mieux. Ce sera dans quelques secondes musicales. I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh? Stay with me, yeah, let's just breathe. Practiced on my skin, never gonna let me win, oh, oh. Under everything, just another human being, oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Just Breathe de Pearl Jam à 16h38 sur France Culture. Nous parlons d'allergies respiratoires tout au long de cette heure en compagnie de Nyan Famti, qui est allergologue, ancien chef du service d'allergologie à l'Institut Pasteur, et d'Isabella Anessi Maissano, directrice adjointe de l'Institut d'Ebré d'épidémiologie et de santé publique à Montpellier. L'impact des allergies sur la population est donc, comme vous l'avez bien entendu, de plus en plus vaste, et c'est pourquoi Air Paris a mis en place un système de surveillance des allergènes problématiques, et c'est à une de ces stations de mesure que vous êtes rendue, Céline Dozen, bonjour. Bonjour Nicolas, oui. Alors l'idée est de signaler en temps réel l'arrivée des pollens allergisants. Avec Pierre Parnot, ingénieur chez Air Paris, nous avons grimpé sur une station de mesure sur le site d'Aesio. Cette station fait partie d'un réseau de surveillance, la plateforme Pollinaire. Mise en place depuis un an en Île-de-France, elle permet de suivre la situation pollinique au fil des saisons. Grâce au travail coordonné des sentinelles, des botanistes bénévoles, des experts ou bien des amateurs, 18 plantes allergènes ont déjà été recensées. L'autre enjeu, plus technique, consiste à bien savoir calibrer les instruments de mesure pour arriver à reconnaître par des intelligences artificielles visuelles les différents types de pollen, les dénombrer afin, au besoin, d'alerter les professionnels de santé. Pollinaire, ça fonctionne sur le principe de la déclaration, c'est-à-dire que les personnes vont être rapidement formées pour pouvoir bien renseigner, repérer l'apparition des pollens en étudiant les plantes et notamment les différents stades, c'est-à-dire floraison, début de la pollinisation et fin de la pollinisation. Et de ce fait, en détectant ces éléments-là, on va pouvoir alerter de la prochaine apparition de pollen dans l'air le plus rapidement possible. C'est vrai qu'il s'agit d'un phénomène de santé publique assez conséquent dans la mesure où on sait que près de 25% de la population est touchée par ces allergies. Et il y a aussi la dimension du climat qui influe sur la période de la pollinisation, peut-être qui est plus précoce. Oui, il y a l'aspect sanitaire. Comme vous dites, on a 25% de la population qui est allergique au pollen. Et on estime que ça pourra monter jusqu'à 50% en 2050. Il faut aussi rappeler que cette question-là, il y a une interaction forte avec les questions de changement climatique, qu'on peut s'attendre à des durées de pollinisation, à des saisons polliniques de plus en plus importantes, et aussi à une remontée en Île-de-France d'espèces végétales qui pourront être encore plus allergiques. C'est-à-dire qu'il y a un effet cocktail qui s'opère où le fait que les polluants préexistants agrègent les pollens et font des contaminants plus nocifs pour les personnes déjà fragiles. C'est exactement ça. Il y a un effet cocktail qui s'opère, c'est-à-dire que la pollution de l'air rend les pollens plus présents et plus allergisants. Et en plus de ça, il y a aussi un effet cocktail sur la personne puisque la pollution de l'air rend les personnes déjà sensibles et donc potentiellement plus en difficulté vis-à-vis de ces allergies. Alors vous avez évoqué les essences végétales à l'origine de ces pollens. Est-ce qu'on a réussi à identifier en nombre et en quantité, on va le voir peut-être quand on sera sur la station, mais les différentes espèces qu'on trouve en Île-de-France ou qui sont aéroportées d'autres régions plus lointaines? Alors la saison pollinique, elle va avoir différents stades. Par exemple là en 2022, elle a commencé en janvier avec déjà des pollens d'aulne et des noisetiers. Et après c'est d'autres pollens qui vont arriver. Au sein du réseau pollinaire, d'ailleurs, vous pouvez repérer jusqu'à 18 espèces différentes qui sont une sélection des 18 espèces qu'on s'attend finalement à trouver en Île-de-France. On va pouvoir monter sur la station. Je peux m'occuper de la fin. C'est bon, faut suivre. Allez. Hop. Et voilà. Donc là, on est sur le toit et puis on peut voir les instruments, les capteurs qui sont autonomes. Là, ils ont l'air... Alors, pas tous. Pas tous. Alors, on va vous expliquer justement les différences. Là, vous avez trois types de capteurs. Vous avez le capteur classique, qui est pour le moment la mesure de référence, qui finalement, lui, va être un capteur qui va déjà collecter les pollens. Et après, le support devra être récupéré pour pouvoir être analysé au microscope. Et c'est une analyse visuelle et un comptage humain qui va permettre de déterminer la concentration de pollen dans l'air. Et à côté, là, vous avez des capteurs donc, qui sont en cours de test, qui, eux, vont permettre une mesure automatique des pollens. Et pour ce faire, va falloir avoir un système optique pour compter le nombre de particules de pollen qui va rentrer dans le capteur, et aussi un système de reconnaissance de ces pollens, pour pouvoir savoir de quel type de pollen il s'agit, avec deux façons de faire. Une un peu plus simple que l'autre. Il y en a une qui va être basée déjà sur la connaissance des pollens dans l'air en fonction de où on est et à quel moment de l'année on est. Et une autre qui va être beaucoup plus complexe puisque là, ça va embarquer un système de reconnaissance d'images réellement qui va prendre quelque part des photos du pollen, les comparer à une bibliothèque de photos pour déjà pouvoir reconnaître directement le pollen dans l'air. D'accord. Donc ça marche vraiment par des outils de reconnaissance de forme Alors ça marche par des outils de reconnaissance de forme qui sont encore une fois plus ou moins sophistiqués. Tout Tout à l'heure, on parlait d'effet cocktail avec des pollens qui s'agrègent. Alors du coup, ça fait d'autres formes. J'imagine que l'IA va apprendre aussi à reconnaître au fil de l'eau. Alors oui, et une des vraies difficultés de l'intelligence artificielle sur ces questions de reconnaissance de pollen, c'est la capacité à reconnaître des pollens qui sont abîmés en fait. Parce que vous voyez bien qu'ils sont transportés par le vent. Ils peuvent s'abîmer au cours de ce transport. Et d'où tout un enjeu, c'est de reconnaître bien ces pollens avec l'imagerie et l'intelligence artificielle. Et un autre enjeu, comme on l'a vu sur ces capteurs qui sont plus simples, c'est d'avoir les bonnes données d'entrée aussi. Et on sait que ces données d'entrée, ils peuvent évoluer, notamment avec la question du changement climatique qui peut faire qu'on va avoir des saisons plus longues et l'apparition aussi d'autres essences en Ile-de-France de végétaux provoquant des pollens. Et donc là, on est début avril. Quelles sont les principales espèces végétales qu'on trouve dans ces pollens? Alors actuellement, début avril en Ile-de-France, c'est surtout des bouleaux et des frênes qui seront présents comme pollen dans l'air. Bon, on a dû se remettre à l'abri avec tout ce vent, mais juste pour préciser, donc les données que vous récoltez, elles sont transmises de quelle manière vers les professionnels de santé ou les décideurs? Alors dans le cas de Pollinaire, les données, elles sont transmises à travers l'application et le site internet, donc tout le monde peut les consulter, il suffit de s'inscrire au Pollinaire. Et puis dans le cadre des nouveaux appareils de mesure, ça c'est un point qu'il faudra encore évaluer hein, sur justement comment on met en place cette information, comment on la design pour qu'elle devienne la plus pertinente possible, et à terme aussi travailler sur des enjeux de modélisation et de prévision à travers des outils un peu plus classiques qu'on peut connaître, notamment en termes de sciences de la qualité de l'air. Voilà, et vous pouvez retrouver le lien vers Pollinaire ainsi que tous les autres liens vers les études qui sont évoquées comme chaque jour sur notre fil Twitter @laméthodefc. Une réaction à ce reportage et à cette veille de Pollinaire, Isabella Anessi-Maïsano. Oui, je veux rappeler qu'en France, il y a le réseau, je l'ai déjà dit, national de surveillance aérobiologique qui fait une surveillance des pollens. Il y a 80 stations, donc heureusement, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Île-de-France, il faut bien avoir des informations sur les pollens aussi ailleurs, ainsi que sur certaines moisissures de l'extérieur des locaux. Et puis, si je peux me permettre un commentaire, il faut jamais oublier la génétique. Tout à l'heure, on a parlé pourquoi il y a des différents effets des pollens. Oui, il y a des pollens qui sont plus allergisants, mais il y a aussi le terrain génétique qui compte. Moi, je suis pas allergique aux pollens, et donc, pour moi, tous les pollens sont pareils. D'accord, donc c'est vraiment une dimension à considérer. Et ce que le monsieur Pernaud, que je connais d'ailleurs parce qu'on travaille ensemble aussi quelquefois sur le changement climatique, est vraiment très important, parce que c'est là qu'il y a les meilleures données, la meilleure documentation grâce au travail des botanistes, des palynologues. On a des tonnes de données sur les plantes, sur le pollen et donc sur ce qui nous attend, hein, parce qu'il y a des centaines d'années hein, de pollen, surtout en Europe, par exemple. Nian Famti, peut-être une réaction également à ce reportage? Oui, tout à fait. Donc, le travail du réseau du RNSA, le réseau national, est formidable. Et pour l'instant, l'œil de l'homme est bien plus performant sur les lames de prélèvement que l'IA. Mais on espère que l'IA pourra être d'une aide. Donc, vraiment, c'est un travail compliqué, difficile, qu'il faut vraiment soutenir. À la différence d'autres pays européens. Donc ça, c'est une première remarque. Après, effectivement, ce travail va être complexifié si on rajoute de plus en plus de choses à mesurer, notamment les moisissures, on l'a dit au début, c'est extrêmement important de regarder ça aussi, parce qu'on connaît pas beaucoup de choses sur les spores, leur effet en effet cocktail sur nos organismes. Et puis la pollution, bien sûr, qui va jouer un rôle important sur les pollens et puis sur nous, le terrain de sensibilité humaine. Peut-être un mot là-dessus avant de passer au remède justement sur la pollution. Mais vous l'avez déjà dit en grande partie tout à l'heure, Isabella Anessi-Maïsano, mais l'exposition surtout permanente et constante. On évoquait dans le Journal des Sciences il y a peu de temps que aujourd'hui, selon une étude produite par l'OMS, 99% de la population mondiale est exposée à une qualité de l'air dégradée. Ça veut dire qu'il y a un effet au long cours finalement sur la fragilisation des épithéliums respiratoires. Absolument. Là, il y a cette exposition à court terme qui abîme les muqueuses et voilà, ça fait pénétrer les allergènes. Et puis, ce qu'on sait maintenant, c'est que une exposition à long terme est à l'origine d'une inflammation systémique, une inflammation de fond. Et donc, cette inflammation de fond est le terrain propice au développement de beaucoup de pathologies, mais dont ce qui nous intéresse aujourd'hui, notamment au niveau des voies aériennes de l'asthme, et puis aussi allergies alimentaires et au niveau du nez, de l'allergie nasale. Et vraiment, c'est pour des doses qui ne sont pas importantes, a priori, hein, maintenant on sait qu'il faut se méfier, mais qui sont répétées dans le temps. Donc, vivre dans les villes est un facteur de risque du développement des allergies. Alors, si on parle des traitements, toutes les personnes qui souffrent d'allergies respiratoires connaissent, je ne vais pas donner la marque du médicament, mais enfin prennent leur petit antihistaminique qui permet quand même de réduire les symptômes. Niamfamti, comment ça fonctionne justement les antihistaminiques, parce que ça fonctionne globalement relativement bien sur les allergies respiratoires? Oui, tout à fait. Comme l'histamine étant un des transmetteurs de l'information de cette inflammation générale, en coupant en fait le robinet, eh bien, on va pouvoir diminuer les symptômes. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas totalement à fond chez certains patients et puis pas du tout chez d'autres. Donc il faut, en tout cas, la stratégie actuelle que je propose aux patients, c'est que par exemple, par rapport au pollen, il faut avoir une stratégie locale. C'est-à-dire que si vous avez des symptômes au niveau du nez, des yeux, il faut s'occuper d'abord de la muqueuse respiratoire et les yeux pour éviter que le feu ne s'installe, si vous voulez, et que l'inflammation ne diffuse comme un feu de savane. C'est-à-dire qu'il faut laver, rincer pour essayer de dégager tous les petits grains de pollen microscopiques. Il faut mettre des collyres, des décongestionnants nasaux. Exactement comme dit notre collègue dans le reportage des années 50. Le traitement local est très important. Et puis les antihistaminiques arrivent en deuxième lieu. Et puis surtout, surveiller les symptômes respiratoires. Hein. Si vous commencez à avoir de l'asthme et que ça tousse et que ça siffle un petit peu, attention. Parce que l'inflammation que vous avez dans le nez peut se retrouver un peu plus bas dans les bronches, et là, ça devient plus sérieux et éventuellement plus dangereux. Donc, surveillez tous ces symptômes. Et puis après, l'étape d'après, dans la thérapeutique, bah, c'est d'identifier l'allergène de manière précise. C'est de voir son allergologue pour aller faire les tests et dire, voilà, l'ennemi, c'est ce pollen et non pas un autre. Parce qu'on croit être allergique à certains pollens que l'on voit dans la rue. Mais en fait, c'est invisible et on peut vraiment se tromper sur l'origine de ces allergies. Et après, le traitement, je dirais, de la cause, le traitement que l'on dit étiologique, c'est la désensibilisation spécifique. C'est-à-dire que on va tenter de reprogrammer, eh bien, le système immunitaire, pour lui dire, eh bien, arrête de t'énerver, c'est du pollen. D'ailleurs, je te donne la démonstration que c'est quelque chose qui peut être accepté et inoffensif. On l'apporte dans l'organisme sous une autre forme que sur les surfaces de défense que sont le nez et les yeux, et de manière régulière pour, eh bien, recommuniquer avec le système immunitaire et lui dire, voilà, tu vois, c'est pas méchant, ce sont des quantités que tu peux supporter. Et à ce moment-là, on va réduire la capacité à réagir, à surréagir, et induire comme ça de la tolérance. Donc ça s'appelle la désensibilisation. On appelle ça aussi l'immunothérapie allergénique, et ça fonctionne très bien. On arrive à diminuer les seuils de réactivité, on arrive à diminuer l'intensité des réactions. Alors maintenant, parfois, il reste des symptômes quand même. On n'arrive plus à dire qu'on va vous enlever tous les signes, vu la pression climatique que l'on a aussi. Mais on rend vraiment service aux gens, aux patients, en faisant cela. Isabella Anessima Essano, la désensibilisation, ça marche à 100% pour tout le monde, tout le temps, ou est-ce que c'est pas... Non, ça dépend. Hein, on ne peut pas la faire avec tous les allergènes. Mais j'ai envie d'ajouter un détail qui n'est pas anodin. Malheureusement, une décision de 2018 a conduit au déremboursement de cette désensibilisation. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre. Alors, il y aura une révision parce que tous les allergologues, français en général, aussi les pneumologues, se sont émus de cette décision qui n'est pas raisonnable. Tout comme d'autres médicaments qui ne sont pas bien remboursés. Voilà, donc on laisse un petit peu le malade se dépatouiller comme il peut. Moi, je suis en santé publique et je trouve que c'est inacceptable. À côté de ça, oui. Oui, non, allez-y, je vous en prie. Non, à côté de ça, en plus de ça, il y a d'autres thérapeutiques qui ont... pense, c'est-à-dire quand on regarde un petit peu ce que Nian a décrit, ces mécanismes de la réponse allergique, on a vu, on a identifié les acteurs. Et donc maintenant, il y a beaucoup d'essais pour cibler certains acteurs, notamment les interleukines ou... dans le temps, c'était l'antileucotriène, mais c'est fini, qui sont libérés une fois qu'il y a la deuxième agression de l'allergène et que les mastocytes dégranulent, et c'est là que la réponse commence. Alors, on bloque ça et c'est donc, pour utiliser les termes très à la mode, des anticorps anti-monoclonaux qu'on utilise, qu'on fait, et ça demande bien sûr beaucoup de temps, de recherche et développement, mais on y arrivera. Il y a des choses chez le rat et pas chez l'humain. Il y a aujourd'hui, Nian Famti, il y a effectivement en un mot des anticorps monoclonaux qui sont mis sur le marché. Je sais qu'en Suisse, il y a un traitement anti-IgE qui s'appelle l'omalizumab. Ça aujourd'hui, ça fonctionne. Et même en France aussi. Oui, bien utilisé, ça marche bien. Nian Famti sur l'immunothérapie. Oui, alors ce que l'on appelle les biothérapies, justement, ces molécules de synthèse nous permettent, dans certains cas, quand les traitements traditionnels ne suffisent pas ou quand on a des états cliniques extrêmement puissants, eh bien, on a recours à ces biothérapies. L'omalizumab, dont vous avez parlé, effectivement, est maintenant, entre guillemets, assez vieux. On a un bon recul. Et ça peut être extrêmement efficace sur certaines formes cliniques sévères. Donc, effectivement, on a de plus en plus de recherche dans la matière. On a probablement des nouveaux vaccins qui vont arriver, de nouvelles façons de communiquer avec notre système immunitaire. Je reviendrai deux secondes sur cette histoire de pollution parce que vraiment, oui. Effectivement, notre activité maintenant rejoint totalement des objectifs, on va dire, écologiques, etc. Donc, c'est... Conclure en quelques mots, parce qu'on arrive quasiment à la fin de l'émission. Oui. Donc, c'est sur ces histoires de pollution, de particules fines, ultra fines, qui sont quasiment plus petits que le virus et qui pénètrent au fond de notre organisme, dans nos tissus, pour exagérer toutes ces réponses immunitaires. Donc, luttons contre cela. C'est vraiment un point extrêmement important. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci Nian Famti. Merci Isabella, Anessi, Maesano d'être venus nous parler de ces allergies respiratoires. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Néguet de Saint-Fulfran, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka et le grand retour d'Ève Etienne aujourd'hui qu'on salue et qu'on embrasse. C'est Olivier Bétard, comme chaque jour, à la réalisation et Ludovic Auger à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.